que le son des larcènes. Je vais bosser l'armée. Qui moi dans une sale vie. Qui veut tenter de sauter de la scène. On fuit les falaises. Et le vide est attirant, n'est-ce pas. Pendant que sur sa planète. Je nous regarde ainsi dans l'espace. Monte le son des larcènes. Je vais bosser l'armée. Qui moi dans une sale vie. Qui veut tenter de sauter de la scène. On fuit les falaises. Et le vide est attirant, n'est-ce pas. Pendant que sur sa planète. Je nous regarde ainsi dans l'espace. Trop si je te dis que ça va, je pisse le vice à foire. Je fuis le vide à balle. Je prie le visage pâle, nique un visage fly. Ta vie s'affaisse sous le poids du mal. Ta vie s'efface et tu vois c'est facile face à la vérité. Ta vie s'efface. Le vosser force, le mal au tap et vice versa. Je vis inversé, surversé, pas de l'âme versée. La fissure reste là. Buer à l'horizon, jadis j'avais en visu l'extase. Builder à condition que la minatesse ma vision néfaste. J'ai une mission, n'est-ce pas? Mais nettoyer de l'intérieur. Mais notre doyeb de la terrien. J'ai vu des panneaux qui annonçaient la haine. À l'occasion, sème par au car on saigne. La peine toque à ma deux bords. Malade, je porte le poids de mes péchés. Je crois que je dois me dépêcher. Si je veux que le très haut me repêche, hein. Qui peut m'empêcher de cramer mes chances, rapper mes pensées. L'âme fait que danser entre les flammes. Je prie pour un cancer et mes jambes saignent. Monte le son des larcènes. Je veux bosser l'armée. Qui moi dans une sale vie. Qui veut tenter de sauter de la scène. On fuit les falaises. Et le vide est attirant, n'est-ce pas. Pendant que sur sa planète. Je nous regarde ainsi dans l'espace. Monte le son des larcènes. Je veux bosser l'armée. Qui moi dans une sale vie. Qui veut tenter de sauter de la scène. On fuit les falaises. Et le vide est attirant, n'est-ce pas. Pendant que sur sa planète. Je nous regarde ainsi dans l'espace. C'est tes heures dans la cabesse, y'a plus de pilote. Dans la navette, cœur rempli de vide. Je tire des palettes, mais le poids du vice. Faire ses palais, j'en attends. Et de compter toutes les fêlures. Mais de nouvelles apparaissent. Quand je vois qu'à chaque session, les crimes tuent. Mais j'y reviens, c'est grave la merde. Comment combler ce manque. J'ai perdu trop de boudin, m'enfoiré. Y'a plus de saveur quand je mange. Soif, c'est ans, puis je termine comblé. Je finirai pas auréolé quand je vois ce truc qui m'épaule. En plus, j'ai le dos cassé, vu tout le poids sur mes côtes. Je crois qu'on a glissé sur le déco du ravin. Je coule plus rapidement qu'un parpaing. Pourquoi le bonheur se fait si rat, hein, tant que j'ai pas pétavé ce machin, hein. C'est froid et silencieux comme l'Antarctique. Vos serres sous antalgiques, c'est le néant dans le profond de l'abîme. Y'a rien qui bouge sur l'encéphalogramme. C'est le tarot qui rembarche quand le réveil sonne et qu'il faut partir au taf. On tentera de combler ce truc un jour quand on s'en contentera plus. J'ai voulu raviver sentiments, mais gros, j'ai trop de lacunes. Monte le son des larcènes. Je veux bosser l'armée. Qui moi dans une sale vie. Qui veut tenter de sauter de la scène. On fuit les falaises. Et le vide est attirant, n'est-ce pas. Pendant que sur sa planète. Je nous regarde ainsi dans l'espace. Monte le son des larcènes. Je veux bosser l'armée. Qui moi dans une sale vie. Qui veut tenter de sauter de la scène. On fuit les falaises. Et le vide est attirant, n'est-ce pas. Pendant que sur sa planète. Je nous regarde ainsi dans l'espace.